Activité 4. 1. Bonjour, c'est Martine. Alors, pour la fête de samedi, tu dois apporter un jus de fruits. Nicole apporte un gâteau et moi, une salade. À samedi! 2. Salut, c'est Jean-Luc. J'ai les billets pour le concert de vendredi. Tu peux venir avec Sophie. Moi, j'invite Brigitte. À vendredi! 3. Oui, c'est Marc. Écoute, je suis disponible jeudi pour jouer au football. Mercredi, je vois Alberto. Est-ce que tu es d'accord pour jeudi alors?